Allô? Allô? Allô? Allô? Ouais, c'est Karine. Ah, salut, ça va? Ouais, salut Aude. Eh ben, écoute, oui, ça va bien, et toi? Ben, ouais, ça va. Oh, ça a pas l'air. Qu'est-ce qui se passe? Non, tu sais, Walter, il est parti en vacances. Et, il m'a demandé de garder ses pingouins pendant son séjour. Et ben là, je suis vachement embêtée. Il déprime complètement, je sais plus quoi faire. Et puis, ils dépriment ou... Ah bah oui, enfin... non mais là, ils sont au fin fond de la grotte, ils sont à moitié par terre, les yeux dans le vague. Ah non, ça fait mal au cœur, hein. Tu sais quoi, j'ai essayé de faire la grosse voix de Walter. Hey, bonjour les pingouins. Bah, ça n'a pas marché. J'ai essayé d'aboyer comme Pompidou, ça n'a pas marché. Et tu sais ce que j'ai fait en plus? Non. Moi et Maori, on s'est déguisés en pingouins, ils ont eu peur. Ils sont tous partis en courant, là, j'ai dû leur D'accord. courir après. Rien n'y fait. Mais là, ils sont dans la grotte, j'essaie de jouer du pipeau. Non, rien ne les fait rire, rien. Attends, c'est pas possible, on va trouver une solution. Il reste quoi? Il reste 24 heures avant que Walter y revienne. Oui. Enfin, on va pas les laisser comme ça. Ah bah non, ils vont bien pas, réussir ouais. à tenir encore une journée, quoi. Non, ben j'y crois plus, là. Là, ils veulent plus manger, ils veulent plus rien faire, rien. Et t'as essayé la je sais pas, un peu de musique, quelque chose bah comme oui. ça? Bah oui, non, attends, tu sais ce que j'ai fait? Je me suis dit, je vais me jouer à la Walter, je vais leur passer la plus belle chanson du monde. Celle qui correspond à leur... Oui, alors, en Antarctique, qu'est-ce qui marche le plus, qui est le top du top de la tendance et tout ça? Eh ben, c'est la Reine des Neiges. Ah oui, forcément. Bah oui, en boucle, comme ça, Maori qui chante dessus. Eh ben non, rien. Ils limitent à se pendre tellement ça leur plaisait pas. Fais voir écouter ce que tu leur as passé. Attends, tiens, regarde. Hop, j'avais enregistré le truc. Voilà. Délibéré, je le bâtirai. Ah oui, quand même. Oui, hein. Oui, bah oui, forcément. Bon, en plus de l'avoir dans la tête pendant 24 heures supplémentaires, voilà. Je sais pas quoi faire. Mais pourquoi on prendrait pas directement une plus BCDM de Walter? Peut-être qu'il faut pas chercher plus loin. Ah oui, ouais, mais attends, là, t'as vu toutes les plus BCDM qu'il a mises? Ah, il faut les chercher dans les épisodes. Ah ouais, épisodes non, et c'est, tout, c'est même, pas, même pas, il y a l'onglet bon, écoute, où je pourrais... non, il faut chercher dans tous les épisodes, je sais pas quoi faire là. Moi, écoute, je t'en trouve une. D'accord. Et je te l'envoie, et tant pis, tu vas quand même être capable de supporter ça pendant 24 heures en boucle. Oui. C'est pour le bien des pingouins. D'accord. Ouais, non, okay. Si, t'as raison. Allez, tu vas y arriver. Allez, je te choisis laquelle? Je te choisis Billy Paul. Oh, oui. Je m'en souviens de celle-là. Ouais, un peu d'amour, là, ça va faire du bien. Ouais. Ça va faire fondre la neige. Ouais, génial. Bon, tant pis pour la planète, hein, le réchauffement climatique et tout ça. Le principal, c'est les pingouins. Allez, ça va aller. Ouais. Ça va aller. Vite, Walter, reviens. Vite. Reviens, s'il te plaît. Walter. Ah, tu manques à tes pingouins. Ah. Je leur passe ça. Ça marche. Allez, à la prochaine. Okay. Tu me tiens au ciao. Courant. Hein. Ciao. Salut. This is yours. We got a thing going on. We both know that is wrong. But it's much too strong to let it go now. We meet every day.